Ils veulent nous mettre en quarantaine. Ils veulent qu'on baisse les bras, qu'à la trentaine on nous recouvre avec leurs draps. Ils veulent qu'on soit coupable, juste coupable de vivre. Ils nous incitent à la haine, c'est plus à elle qu'on se livre. Ils généralisent face à la jeunesse, ils démoralisent. Y'a que des intérims où tu plies tes valises. Ils dévalorisent l'image des cités, image à haut risque. Tout nettoyer au Karcher, c'est ce qu'il a cité. Mais rien à foutre, j'irai au bout de mes ambitions, cousine. La réussite n'est pas que dans l'exhibition. On est passé du dialogue au monologue dans ce globe à l'aube. C'est dangereux, ça se tue pour une clope. Des Robocop qui veulent que devant l'insigne on baisse la garde. Mais moi j'ai cette envie de vaincre quand je les regarde. Dehors c'est Bagdad, y'a les frérots qui mettent la riade. Ok, je le répète, on veut me buter comme Arafat. Je mets la France au parfum, Marianne a beau se vexer. Mais on va la traverser, c'est que sur Inter va même la renverser. On est bercé par les sirènes des inspecteurs. On est victime de toute la haine d'un procureur. Ils veulent nous abattre comme Esquine et Kelkal. Ils veulent pouvoir nous battre comme la France devant le Sénégal. Mais rien d'illégal, si j'abats un oligarque d'une balle. C'est à la mode comme un putain de trafic d'organes. Ça vient de Marseille, Marseille. On représente, on représente tous les quartiers. La Castellane, je me présente. Lorenzo, c'est Lorenzo. La Rafale, c'est la devant l'insigne. Mais rien nous impressionne, messieurs. C'est la cité de Dieu qui nous fascine. J'ai choisi la zig comme d'autres ont choisi la school. Mais ça, je connais que poussière et cendre comme ces tours qui s'écroulent. Au plaisir, cette vie qui est pas très gaie. Je dois toute ma tristesse sur les sons de Marvin Gaye. Ma résistance, je la dois à tous les traîtres, à tous les faux mecs qui rêvent de me voir avec une balle dans la tête. J'ai rechargé mon arme vocale. Je dois faire plus d'argent que sur les lèvres d'Ariel Dombal. Et nous d'en bas, c'est la jeunesse qui se dévoile. Enfant de la pleine lune, on a l'espoir sur les étoiles. J'ai rien à vendre, ni à fumer pour te faire planer. J'ai juste mon ventre, rempli de rage pour toute l'année. Et ce que je ressens, je le rappe sur le sang. Alors qu'ensemble, je sens qu'on pourra tout briser même en dansant. Alerte, y'a un MC qui rappe illégalement. Menace vocale, et je correspond à leur signalement. Ils veulent m'atteindre, ils veulent ma vie et mon armure. Ils veulent me voir m'éteindre, ou ils veulent que je tienne leur mur. Mais loin de cette vie, je préfère rester dans mon monde. Immonde et la mode, la honte quand je vois tout le mal que l'on surmonte. Ici la mode, c'est l'euro et les règlements de compte. Mais moi la mode, je la gâche comme cette vie que j'affronte. Ça vient de Marseille, Marseille. On représente, on représente tous les quartiers. La Castellane, je me présente. Lorenzo, c'est Lorenzo. La Rafale, c'est la Marseille, on représente tous les quartiers, la Castellane.